au soir là, d'avoyer monter. Moi-même vu un épisode pour nous payer, l'immédité. À nous mettre tête ensemble, pour nous voyer monter. Nous que voyons monter, nous tout ensemble que crier. Oh, oh.